je vois ta vie et plus je veux partager autre chose que des sourires, que de simples regards. Les jours avancés, je pense à renoncer, à rendre feuilles blanches, m'en remettre au hasard. Plus on joue de scène et plus je veux te donner un peu plus de moi-même, de ma réalité. Cet être que je suis inconnu au monde, dépourvu d'apparence, face à ta plaisance. Plus je me rapproche de toi pas à pas, plus je trouve cette force chaque matin d'affronter les épreuves de mon quotidien qui me paraît si sombre quand tu n'y es pas. Je voudrais trouver la force de te dire à quel point mon cœur en silence te désire arriver à ne plus devoir retenir, à t'avouer sans te voir partir, que tu es tout simplement mon avenir, proche ou lointain, je ne saurais dire, mais aujourd'hui je sais sans hésitation que tu es ma source d'inspiration. Et plus les jours passent, plus mon esprit s'enivre de ta simple apparence. Que dire si divine? Plus on joue de scène et plus je veux te donner un peu plus de moi-même, de ma réalité. Je voudrais trouver la force de te dire à quel point mon cœur silence te désire arriver à ne plus devoir retenir, à t'avouer sans te voir partir, que tu es tout simplement mon avenir, proche ou lointain, je ne saurais dire, mais aujourd'hui je sais sans hésitation que tu es ma source d'inspiration. Je voudrais trouver la force de te dire à quel point mon cœur en silence te désire arriver à ne plus devoir retenir, à t'avouer sans te voir partir, tu es tout simplement mon avenir, proche ou lointain, je ne saurais dire, mais aujourd'hui je sais sans hésitation que tu es ma source d'inspiration.